Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'épidémie de doryphore de 1950 en Europe de l'Est, les doryphores au temps de la guerre froide. Comme il y avait beaucoup de circulation aérienne à l'époque entre l'Allemagne de l'Ouest et Berlin, nous avons facilement cru les autorités quand elles ont prétendu que c'était les avions américains qui larguaient toutes ces bestioles à partir du ciel. Distributing these dangerous beetles. En 1950, une épidémie de doryphore, une espèce particulière de bébite à patates, frappe l'Allemagne de l'Est, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Les effets de l'épidémie sont dévastateurs et les autorités des pays touchés, de même que le pouvoir en place à Moscou, s'empressent d'accuser les États-Unis d'être responsables de cette infestation de doryphore. Ce qui nous amène à nous poser une grande question. Les doryphores ont-ils été utilisés à l'époque comme armes de guerre par les Américains ou se sont-ils au contraire transformés en formidable outil de propagande anti-américaine par les autorités communistes du Bloc de l'Est? Postępowa opinia całego świata należycie oceniła zbrodnie lotników amerykańskich. Aujourd'hui, le monde entier reconnaît l'activité criminelle des pilotes américains qui ont largué des hordes de doryphores dans les champs de la République démocratique allemande. Originaire du Colorado, transporté par les orages et les vents, le doryphore s'est finalement déplacé vers la Pologne. En plus d'être glouton, il se reproduit à une vitesse phénoménale. 18 mois suffisent à une femelle pour engendrer une descendance de milliards de petits insectes. Le ministère de l'Agriculture a immédiatement pris action pour détruire l'invasion de cette peste sur notre sol national. Notre jeunesse joue un rôle de premier plan dans cette lutte. Nous devons demeurer alertes. Le doryphore doit être éradiqué. La bestiole américaine ne survivra pas ni en Pologne ni en Allemagne. La provocation des va-t-en-guerre disparaîtra en fumée. Extrait d'un film de propagande polonais réalisé en 1950 en pleine épidémie de doryphore en Europe de l'Est. Pour nous raconter cet épisode assez singulier de la guerre froide, je reçois Carl Bouchard, qui est professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. Avec le recul, que répondre à cette question que je soulevais il y a un instant? Cette histoire de doryphore, cette infestation de doryphore dans le Bloc de l'Est en 1950, une affaire d'armes biologiques, Carl Bouchard, ou un outil de propagande? Ah, grande question. On pourrait dire, et on va peut-être l'évoquer tout à l'heure, ça peut être une arme biologique, mais dans ce cas-ci, en l'occurrence, dans les années 50, on est plus dans le contexte de la propagande. Donc, ce n'est pas dénué de sens. Ce n'est pas dénué de sens, exactement. Ça aurait pu être une arme biologique. Exactement. Il y a des réflexions là-dessus, il y a des exemples dans les décennies qui précèdent, mais dans le cas des années 50, on est plus dans la propagande. Et ça nous dit quoi? Parce que ça peut faire sourire avec le recul, encore une fois. Il y a quelque chose de très anecdotique dans cette affaire de doryphore. Mais en même temps, c'est très, très révélateur du contexte de guerre froide de l'époque. Ça nous dit quoi sur ce contexte-là? Ouais. On est vraiment là c'est en 1950, on est au début de la guerre froide, au début de la tension, période où, justement, le positionnement idéologique est extrêmement important et que la machine de propagande est en marche. Donc là, ça nous dit des choses sur, d'une part, cette grande bataille des mots entre deux blocs, et puis aussi sur les anxiétés de la guerre froide qui vont aussi être liées à l'arme nucléaire, qui vont être liées à la capacité de destruction de l'ennemi dans un contexte de guerre froide. Et jusqu'où ça peut aller, cette volonté d'un bloc ou de l'autre d'attaquer, d'affaiblir, de faire mal à l'autre bloc. Oui, de tous les moyens possibles, que ce soit par l'argent, c'est le temps du plan Marshall, que ce soit par les armes traditionnelles, que ce soit par l'arme nucléaire, que ce soit par le doryphore. Le doryphore, l'agriculture, tous les moyens sont bons pour essayer d'abattre son ennemi. Oui. Alors commençons par le commencement. Expliquons à quoi on fait face. Décrivez-nous l'ennemi. Il apparaît quand, le doryphore? Et qu'est-ce que c'est? À quoi il ressemble, ce doryphore? doryphore, bon, c'est un coléoptère, le doryphore. C'est un insecte qui pourrait ressembler, en fait, à peu près en taille à une coccinelle. Mais le dos du doryphore, au lieu d'être rouge, est donc strié de noir et de jaune. Et c'est un insecte qui est originaire d'Amérique du Nord, en fait, Mexique et États-Unis, qui a été découvert au milieu du 19e siècle aux États-Unis, dans les Rocheuses. Et à partir de ce moment, par la colonisation de l'Ouest, eh bien, c'est propagé peu à peu vers l'Est. Et une trentaine d'années plus tard, il est arrivé sur la côte Est américaine. Et c'est à ce moment-là qu'on a constaté les ravages, en fait, de cette bête dans les champs. Il s'attaque, en gros, il s'attaque à la pomme de terre. Il s'attaque à la pomme de terre, il s'attaque aux aubergines, il s'attaque aux poivrons, il s'attaque aux tomates. C'est une bête absolument vorace et qui se multiplie très rapidement. Qui, donc, au départ, est un insecte nord-américain. Ouais. Ça inquiète par ailleurs déjà les Européens, dès le 19e siècle, cette bibitte-là. Ah oui, à la fin du 19e siècle, la bibitte à patates est l'objet d'une panique un peu en Europe, entre autres liée à la mémoire de l'épidémie qui avait frappé, l'épidémie de champignons qui avait frappé les pommes de terre, la pomme de terre aussi en Europe au milieu du 19e siècle, et notamment les Irlandais. Ouais. Et donc, ça a été quand même assez traumatisant pour que les Européens se disent il faut absolument empêcher toute espèce d'arrivée du doryphore. Et donc, on va empêcher les importations, en fait, de légumes en provenance des États-Unis à la fin du 19e siècle. Mais évidemment, la guerre, la première grande guerre, va faire qu'on va devoir baisser la garde du côté européen, laisser entrer, on a besoin de manger, finalement. On a besoin de manger. Donc, déjà, les contrôles sanitaires se réduisent à partir de l'entrée en guerre. Et puis, évidemment, lorsque les Américains entrent en guerre, eh bien là, on ne peut plus contrôler l'arrivée des hommes et du matériel. Et en fait, on constate, les premières constatations là, de doryphore sont dans la région bordelaise, autour de Bordeaux, qui est un grand port, en 1917. Et puis, à partir de 1918, là, les cas se multiplient. Revenons à notre épidémie qui touche donc ce bloc de l'Est en 1950. On l'évoquait un peu, Carl Bouchard, encore une fois, ça peut faire sourire, mais le fait que les autorités des pays touchés accusent les Américains d'utiliser le doryphore comme arme biologique, ça peut faire sourire avec le recul, mais ce n'est pas complètement dénué de sens. Il y a des exemples dans l'histoire où on a utilisé ce genre de procédé. Absolument. La guerre biologique, c'est l'utilisation d'organismes vivants. Ça peut être des animaux. On pense aux rats, par exemple, contaminés. Ça peut être des virus, des bactéries, évidemment. Ça peut être aussi des produits qui viennent du vivant, mais qui ne sont plus vivants. Par exemple, des toxines. On pense à la ricine, par exemple, qui a été utilisée. Et là, il y a des multiples occurrences. Les Romains envoyaient des paniers remplis d'abeilles sur leurs ennemis pendant les guerres. Les Tatars, au 14e siècle, ont envoyé des corps affectés par la peste sur les habitants de Kaffa en Ukraine, ce qui aurait été probablement à l'origine de l'épidémie de peste en Europe. On a le cas, et on en a parlé à Montréal il n'y a pas très longtemps, de Amherst, qui envisageait de contaminer des couvertures de la variole. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont été soupçonnés d'avoir essayé d'introduire dans le fourrage pour les chevaux une toxine, justement, pour abattre les chevaux des Roumains, de leurs ennemis roumains. Et puis même, au moment de la fin de la guerre, en 1918, on a accusé aussi les Allemands d'avoir essayé d'implanter le choléra sur la zone de front lors du recul des troupes allemandes pour que les troupes ennemies soient affectées par cette maladie à partir de 1918. Et on sait aussi, avant d'arriver en 1950, qu'après la Grande Guerre de 14-18, il y a de la recherche. Là. Ça, c'est documenté. On le sait. À cette époque-là aussi, il y a de la recherche qui s'est faite autour de l'utilisation d'insectes, d'herbicides comme armes biologiques. Oui. En fait, ça fonctionne en parallèle avec la recherche agricole. C'est que, évidemment, le doryphore arrive, on s'aperçoit que c'est dévastateur, il y a des chercheurs qui s'y intéressent, et puis en même temps, le monde militaire aussi s'y intéresse en disant, écoutez, cet arbre-là, on pourrait peut-être l'utiliser contre nos ennemis parce qu'on n'arrive pas à le contrôler. Alors, si on l'envoie sur nos ennemis, ça peut être encore plus intéressant. Donc, à partir des années 20 et des années 30, beaucoup de laboratoires se construisent, notamment en France, qui a été le premier touché en Europe. Ensuite, doryphore va attaquer la Belgique, les Pays-Bas, donc va atteindre, se propage en fait vers l'Est, peu, le Nord-Est. Et à partir des années 30, il y a véritablement des recherches qui se font, des laboratoires qui sont créés en France, en Allemagne en 1938. Donc, c'est le cas. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt travailler sur les moyens de combattre le doryphore. Oui. Mais du côté des Français, ça devient, et c'est pensé, comme une arme de guerre. Oui. Et puis les Allemands vont s'y mettre aussi. Les Français, ça ne fonctionnera pas. En fait, on n'aura pas le temps développer cette arme-là? Parce qu'on est, tout près du début de la guerre, puis au début de la guerre. Absolument. Puis quand l'Allemagne envahit le pays, c'est foutu. C'est réglé. En 1938, les Français sont sur le point de le développer. Il y a des pourparlers au niveau militaire sur l'utilisation du Doryphore contre les Allemands. Et pourquoi? Ben parce que les Allemands sont des très gros consommateurs de pommes de terre. Ouais. Et donc, on est véritablement sur le point de le faire. L'invasion, effectivement, de 1940 va rendre tout le projet, ouais, évidemment, caduque. Ça fait que les Allemands, eux, vont prendre la balle au bond. Exactement. Et à leur tour, ils vont faire des tests carrément, les Allemands. Absolument. Les Allemands, au départ, essaient de se protéger. Donc, dans un premier temps, les laboratoires sont surtout des laboratoires d'insecticides. Le DDT, par exemple, est développé en 1938, là, quelques années avant le début de la guerre. Donc, on va beaucoup travailler là-dessus. Mais ce qui inquiète les Allemands, c'est qu'à partir de 1942, des rapports d'espions allemands en Angleterre laissent entendre que des cargaisons d'insectes arriveraient des États-Unis en Angleterre, et les autorités allemandes paniquent. Se mettent à dire, ça y est, les Britanniques sont en train de préparer cette arme. Alors là, on fait écho, on raconte qu'il y aurait autour de 15 000 doryphores qui auraient été importés des États-Unis. On va apprendre par la suite à travers les archives que, dans le fond, les Britanniques voulaient aussi faire des tests, en fait, mais plutôt pour se protéger de, ouais, de cette arme. Et puis, les Allemands se disent, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner l'arme qu'on veut utiliser contre nous, contre nos ennemis. Et donc, à partir de 1940-41 et surtout 42, les recherches s'accélèrent en Allemagne, et on envisage d'attaquer, ouais, la Grande-Bretagne avec des doryphores. En faisant des tests dans le pays même, en Allemagne. Dans le pays même. Ouais. Bon, évidemment, c'est une arme qui peut être efficace, qui peut causer d'importants ravages sur la culture, l'agriculture. C'est quand même pas une arme de destruction massive, le doryphore. quel objectif les Allemands, par exemple, ouais, sur le plan militaire, sur le plan stratégique, pourquoi l'utilisation de ce genre d'armes? Ouais, ouais, ben déjà, oui, vous avez tout à fait raison. Là. On n'est pas là dans... ce n'est pas la bombe nucléaire. Hein? Donc, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Et effectivement, un des gros problèmes, c'est comment l'envoyer chez l'ennemi. Les largages sont envisageables, mais on sait très bien qu'il faudrait des milliards d'insectes pour attaquer complètement l'agriculture. Alors, dans le cas des Allemands, ce qu'on envisage, c'est de harceler l'ennemi en contaminant ses champs, mais les experts allemands disent qu'au minimum, on baisserait à peu près de 6 % l'apport calorique, ouais, en Angleterre. C'est suffisant pour réduire l'effort de guerre. En fait, et c'est dans ce contexte-là qu'il faut le comprendre. On est dans un contexte de guerre totale. Tout doit être fait pour harceler l'ennemi et épuiser l'ennemi. Donc, réduire son apport calorique, ouais, l'obliger à travailler de façon supplémentaire dans les champs, c'est toujours des énergies en moins contre les Allemands. Donc, le pouvoir de nuisance, essentiellement, c'est ce qu'on cherche. Ouais. Tout ça nous ramène à cette infestation importante, ouais, de doryphores, celle qui a bel et bien lieu, donc l'infestation, évidemment, qui balaie l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie en 1950. Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce moment-là? Comment est vécu cet épisode d'épidémie de doryphores par les populations locales? On écoute le biologiste Erhard Gessler raconter en 2013 à l'émission de la BBC Witness le souvenir qu'il garde de cet épisode d'épidémie de doryphores en 1950. I remember our family, father, mother and I. Je me souviens que mon père, ma mère et moi mangions chaque matin une pomme de terre au déjeuner. Alors nous étions bien choqués d'apprendre qu'une bestiole qui s'attaquait au plant de pommes de terre était en train d'anéantir notre alimentation. Leurs larves en particulier sont extrêmement affamées. Elles sont capables d'engloutir de grands champs de pommes de terre. Elles mangent les feuilles du plant et ensuite aucune pomme de terre ne peut se développer. No potatoes in the soil can then develop. There was not enough pesticides. Il n'y avait pas assez de pesticides parce qu'il y avait des pénuries. Le moral des fermiers était aussi à son plus bas. Comme il y avait beaucoup de circulation aérienne à l'époque entre l'Allemagne de l'Ouest et Berlin, nous avons facilement cru les autorités quand elles ont prétendu que c'était les avions américains qui larguaient toutes ces bestioles à partir du ciel. And so it was quite convincing when the government told people these people above in the aircraft are distributing these dangerous beetles. En poussant un peu plus loin sur ce qu'on vient d'entendre, que dit précisément Karl Bouchard cette propagande anti-américaine dont parle Erhard Gessler dans cet extrait? Ouais. Alors, on fait rapidement le lien entre cet insecte qui arrive et puis le contexte politique. Lorsque les Tchécoslovaques commencent à agir et commencent à parler de cette infestation, les documents officiels sont assez frappants. Je vais quand même en citer un passage assez fascinant. On parle de l'invasion en 1950. On dit « Ceci est la preuve irréfutable que le péril actuel n'a pas surgi naturellement et que l'infestation des pommes de terre n'est pas apparue ou n'aurait pu se produire par des voies naturelles et normales. Ce dangereux parasite a été transporté artificiellement, intentionnellement et à grande échelle avec l'assistance des nuages et des vents par les impérialistes occidentaux et leurs agents saboteurs. » Donc, tout de suite, on fait ce lien. Mais ce lien... Encore une fois, il n'est pas... on est dans le cadre de la propagande, mais est-ce que c'est possible? C'est ça la grande question. C'est possible. Et quand on pense aux tests qu'ont fait les Allemands, par exemple, dans le sud de l'Allemagne, en 1943-1944, pour larguer des dorifards, eh bien, on peut imaginer effectivement que pour les autorités tchécoslovaques, allemandes, qui sont un peu au courant de toutes ces affaires-là, ben c'est possible. On a vu des tests, donc c'est possible, ça peut se produire. Ouais. Paradoxalement, c'est probablement peut-être, puisque l'histoire nous dit que ce ne sont pas des Américains qui larguent les dorifards sur le bloc de l'Est en 1950. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est fascinant de ces tests qui sont effectués par les Allemands en Allemagne autour de 1943, c'est qu'on ne les retrouve plus, ces dorifores-là. Exactement. On en voit des centaines de milliers de dorifores. Et là, on se dit, est-ce que ces tests-là, ce largage-là, qui, avec le temps et le vent, se serait aurait retrouvé? Pu les ramener. Effectivement, on en largue une centaine, à peu près 100 000 dans deux exercices, à quelques semaines de différence, et on en trouve à peu près 200 dans les champs. Donc, il est fort probable que ces 100 000 dorifores et quelques se soient propagés peu à peu dans le sud de l'Allemagne, et puis ensuite, elle s'est propagée vers l'Est. Et parce que le mouvement des dorifores, de toute façon, de Bordeaux vers l'Est, est à peu près naturel. Mm-hmm. Donc, c'est possible. Revenons à la Tchécoslovaquie, à cet exercice assez formidable et hallucinant de propagande. Ils étaient forts quand même. On va tout de suite, en Tchécoslovaquie particulièrement, c'est 1950 dont on parle, on va tout de suite faire un lien dans la propagande tchécoslovaque entre l'invasion des dorifores, cette grande opération des capitalistes américains et... le début de la guerre de Corée, Carl Bouchard. La guerre c'est de fort Corée, un catch-up. C'est très, très fort. En fait, le 28 juin 1950, c'est deux jours après le déclenchement de la guerre de Corée, les premiers documents sont diffusés à ce sujet. Et effectivement, le lien se fait tout de suite. Ce qu'on fait, c'est d'essayer d'associer ce combat contre les dorifores à un combat contre, plus généralement, le capitalisme et ceux qu'on appelle les impérialistes occidentaux. Et donc, on va, dans la propagande, présenter l'Américain, par exemple, on le voit dans des journaux tchécoslovaques, un immense Américain bien bouffi qui, d'une main, largue des bombes en Corée et de l'autre main, lance des boîtes remplies de dorifores sur la Tchécoslovaquie. Donc, cette association, elle apparaît naturelle pour les autorités. C'est une façon de montrer que le combat contre le bloc capitaliste, il est général. On se bat dans les champs, mais on se bat aussi militairement. Ouais, c'est logique. Il y a une guerre qui oppose communistes et capitalistes en Corée. C'est la même chose. Finalement. C'est la même chose, exactement. Dorsale, dortoir, dorure, dorifore. Insectes coléoptères, le dorifore et sa larve se nourrissant de feuilles de pommes de terre causent de grands ravages. Le dorifore apparut en France vers le mois de mai 1940. Il s'attaqua tout de suite à nos récoltes avec des moyens techniques extraordinaires. Mécanisés, terriblement organisés, il nous surprit par la vitesse de son invasion. Il s'installa en vainqueur dans notre pays. Il dévasta nos Champs-Élysées. En rang serré au pas du dorifore en marche. En plus des pommes de terre, le dorifore s'attaqua à bien d'autres choses. Le cuir disparut. Le bœuf disparut. Le pétrole disparut. Les voitures disparurent, nous laissant un Paris sans encombrement. Un Paris où le vélo est roi. Un Paris plein de petites reines et de dorifores. Extrait de la bande-annonce du film « Le temps des dorifores », un film réalisé par Dominique Rémy et Jacques Delaunay en 1966. Vous l'aurez compris, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, le dorifore, il incarne en fait l'occupant allemand dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Ça nous amène à conclure cette émission, Carl Bouchard, en parlant de la puissance métaphorique de la dite bébite à patate du dorifore. Ouais. Sans blague, là, il y a un exemple, mais il y a 1950, on en a parlé, mais déjà, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, le Dorifort est associé aux nazis. Souvent dans l'histoire, commençons par ce contexte-là, mais souvent dans l'histoire, le Dorifort va être utilisé de manière métaphorique. Oui, absolument. Le Dorifort, c'est notre ennemi, en fait. Ouais. C'est ça qui est fascinant, c'est l'ennemi, mais c'est l'ennemi de tous et chacun. Donc, pour les Français, c'est l'Allemand. Pour les Tchécoslovaques, c'est l'Américain. Donc, chacun associe cette bête. Avec une force d'évocation. Les images, je reviens à l'extrait qu'on vient d'entendre. Exactement. Ça se tient, encore une fois. On est dans l'allégorie, mais l'Allemand qui s'attaque, l'occupant, en fait, comme le Dorifort, qui s'attaque aux ressources du pays. Ouais. Une des façons, et c'est assez courant aussi en histoire, on a fait beaucoup d'études là-dessus, sur l'animalisation de l'ennemi. Une bonne façon de réduire l'ennemi dans l'esprit de la population, c'est de le réduire à un animal qu'on peut donc à la fois contrôler et qui on peut aussi, sur lesquels on peut exercer un droit de mort, un droit de vie et de mort. Donc, attaquer l'insecte, c'est pas très compliqué d'écraser un dorifort ou de le tremper dans le benzène ou l'alcool, comme on faisait dans les années 50. Et donc, cette idée de cette invasion, la métaphore est tout à fait efficace et fonctionne à plein. Et on le voit même dans les brochures des années 50. Une autre citation que je peux faire sur une brochure, donc parue en 1950 en Tchécoslovaquie, où on dit « Nous ne serons tranquilles que quand tous les dorifores seront anéantis et le monde ne sera tranquille que lorsque le dernier ennemi de la paix aura été neutralisé. Ouais. » Donc, on associe encore une fois donc l'insecte. C'est efficace. Et la question politique. C'est un insecte qu'on n'aime pas. C'est toujours gênant. Il incarne, on trouve un animal qui incarne le mal, finalement. Le mal nazi, le mal du capitalisme américain. Ça marche. Ça marche. Et qui submerge, en plus. Il y a cette idée-là de ce travail terrible, de ces masses qui arrivent, genre de rouleau compresseur qui arrive sur nous. Et puis, on doit, à ce moment-là, se mobiliser. Et même le mot mobilisation, on le retrouve beaucoup dans les documents de Pologne, d'Allemagne de l'Est, de Tchécoslovaquie en 1950, on doit mobiliser la population militairement si la guerre éclate et elle éclate en Corée, et puis aussi de façon métaphorique dans les champs. Puis il y aura toute une iconographie, évidemment on est à la radio, mais on va utiliser l'image du dorifort en l'associant à l'ennemi. En l'associant exactement, on va par exemple le dos du dorifort, au lieu d'être strié de noir et de jaune, va être strié de bleu et de blanc, le drapeau américain, couleur du drapeau américain. Donc on va l'appeler le Americanischer Käfer, donc l'ami Käfer de façon réduite, qui est donc le cafard américain. Ouais. Ça devient... la seule évocation de l'expression veut dire quelque chose dans un contexte de guerre. Il nous donne l'envie, cette envie dont vous parliez de l'écraser. terminons, parce que c'est trop fabuleux. Je repense à cette bande-annonce qu'on vient d'entendre où le Dorifort est associé à l'occupant allemand dans cette France occupée durant la Deuxième Guerre mondiale. Plus tard, les Soviétiques vont aussi, mais évidemment d'une autre manière complètement, utiliser le Dorifort pour l'associer au nazisme, mais en lien avec l'impérialisme américain. Oui, absolument. Dans la vulgate ou dans les discours communistes du début des années 50, les États capitalistes ont laissé peu à peu monter le nazisme. Et le nazisme est, dans le fond, perçu du côté du Bloc de l'Est comme un outil pour détruire le bolchevisme, pour détruire le communisme. Et donc, on a accéléré la montée vers les extrêmes dans un objectif, celui de détruire les communistes, les bolcheviques. L'insecte, c'est la même chose. Donc, laisser passer les dorifores, c'est aussi une façon de s'attaquer à l'ensemble du Bloc de l'Est. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup, Carl. Avec plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.